الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، mes chers frères et sœurs, conformément à l'enseignement du prophète عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، puisé du hadith authentique où le prophète alayhi salatu wa salam a dit: man lam yashkur innas lam yashkur illahi azza wa jal, celui qui n'a pas ou qui n'a pas été reconnaissant envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala, ou plutôt envers les gens, certes il n'a pas été reconnaissant envers Allah azza wa jal. Celui qui n'a pas été reconnaissant envers les gens n'a pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, après remercier Allah subhanahu wa ta'ala ici de nous avoir comblés de ce plus grand des bienfaits qui est l'islam, et de nous avoir réunis sur l'amour d'Allah Azza wa Jalla et de son messager alayhi afdalus salati wa azka taslim, je tiens à remercier, et c'est la moindre des choses. Personnellement, je comptais faire d'abord une lettre ici de remerciement, mais je préfère le faire de façon orale. Je tiens à remercier tous les frères et les sœurs, ceux qui suivent les cours, les prêches, les sermons ici de partout dans la France, même plus que cela de l'Europe et même plus loin encore. Ala kulli hal, c'est la moindre des choses, et sans fausse modestie, fa wa rabbil ka'ba ya Allah Azza wa Jalla m'en est témoin, c'est sans fausse modestie. C'est simplement par titre de reconnaissance, et c'est la moindre des choses d'être reconnaissant envers tous ces frères et sœurs, tous ces frères et sœurs qui nous suivent depuis très longtemps et qui nous aident et nous soutiennent à travers de nombreux mails et à travers de nombreux messages et à travers de nombreux dons, on va dire aussi, par rapport à la construction de la mosquée. Donc la moindre des choses, ici je tiens à les remercier, et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala, as'aluhum subhanahu wa ta'ala an yahfadhahum وأن يثبتهم على الحق وأن يرزقهم وأن يرزقنا جميعا الجنة مع سيد الدعاة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إنه ولي ذلك والقادر عليه. J'implore Allah Azza wa Jal de les préserver, de les protéger et de leur octroyer à eux ainsi qu'à nous tous le paradis, et de nous réunir tous et toutes au paradis avec عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم, bien sûr notre messager, notre noble messager Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ici je tiens à dire à mes frères et sœurs aussi, je m'excuse par rapport à tous les mails ici de remerciements que nous envoient les frères, et je n'ai même pas le temps de répondre toutes les questions qui sont posées par mail, et c'est pas ici pour dénigrer ou alors donner aucune importance à ces frères et sœurs qui nous envoient des mails, mais c'est simplement parce qu'il y en a trop ici et on peut pas répondre à tous les mails. Donc je préfère le dire une fois pour toutes à tous et toutes, ici on prend compte de tous vos remerciements, de toutes vos invocations, de tout votre soutien, et aussi de tous les dons que vous avez donnés et que vous cessez de donner ici pour la construction de cette noble mosquée, qui on implore Allah Azza wa Jal ici qu'elle soit une base pour la transmission de la vraie da'wa ici, non seulement en France mais ici au moins dans l'ensemble de l'Europe. Et ici la réussite provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa billahi tawfiq. Donc ici on les remercie et on implore Allah Azza wa Jal d'accepter leurs dons et leurs nombreux dons, et on dit qu'on n'est pas insouciant ici à ce que font toutes les personnes pour nous soutenir, et c'est pour ça que ici au nom de toute l'équipe Al-Wassa, toute la mosquée, tous les frères et musulmans et musulmanes de Brest, on tient à le remercier, et c'est la moindre des choses, et qu'Allah Azza wa Jal vous préserve. Et dernière des choses, je tiens à rappeler à mes frères et sœurs, et Allah m'en est témoin, c'est sans fausse modestie ici, que d'éviter d'exagérer dans les glorifications et dans les éloges que peuvent faire certaines personnes sur moi le premier et sur certains frères de cette mosquée. Wallahi, sans fausse modestie, encore une fois, comme disent les ulama, certes, si nos péchés, ils avaient des odeurs, personne pourrait approcher l'un, ou le frère ne pourrait pas approcher son frère. Ici, moi, je le dis sans fausse modestie, si mes péchés à moi-même avaient des odeurs, wallahi, certes que la plupart d'entre vous pourraient pas m'approcher. Donc ici, je vous dis simplement, barakallahu fikoum, n'exagérez pas dans les éloges. Ici, moi, je suis au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ici au service des musulmans et des musulmanes. Je fais des erreurs, et peut-être et sûrement plus d'erreurs que vous. Je me dis pas, et je me suis jamais dit, étant être un grand savant ou un savant ou je ne sais qui encore. Ici, on essaie de transmettre la religion. Ici, et cette transmission est fondée et sans se glorifier sur le Coran et la Sunna bi fahmi salafil umma, en essayant d'argumenter avec des preuves authentiques tirées du Coran et de la Sunna, avec une compréhension saine de nos ancêtres pieux, ni plus ni moins. Amma, je rappelle et je le dis, que j'ai fait, je fais et je ferai des erreurs, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tout enfant d'Adam fait des erreurs, et les meilleurs des pécheurs, bien sûr, ce sont ceux qui se repentent, et j'implore Allah Azza wa Jal de faire de moi une personne qui se repent sincèrement, et de nous octroyer, donner à tous et à toutes la sincérité à travers nos paroles et nos gestes. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Amma ba'd, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Concernant la biographie du prophète عليه أفضل الصلاة والتسليم, on était arrivé ici, on avait parlé des trois compagnons, des trois grands compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, qui ont refusé de participer à Ghazwat Tabuk ma'an Nabi alayhi afdalus salati wa taslim. On avait expliqué leur cas, et on avait dit que celui qui dit la vérité, celui qui est véridique, la fin de cette personne ne sera que fierté et ne sera que bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihi al-aziz ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin. Wa kama qala alayhi afdalus salati wa askat taslim, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birr yahdi ila al-jannah wa inna al-kadhib yahdi ila al-fujur wa inna al-fujur yahdi ila an-nar a'adana Allah wa iyyakum min an-nar. Comme le prophète alayhi salatu wa salam nous l'a rappelé, et il dit dans le hadith authentique, ici certes le fait de dire la vérité mène vers le bien, et le bien mène vers le paradis. Et le mensonge mène vers la débauche, et la débauche mène vers l'enfer. Allah Azza wa Jalla nous le rappelle et nous l'enseigne à maintes reprises dans le Coran al-Karim d'être avec les véridiques. Quand il dit, ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala wa kunu ma'as-sadiqin, et soyez avec les véridiques. Car le véridique ici, il ne vivra que bonheur et réussite ici-bas et dans le delà. Et on a tiré les preuves du Coran et de la Sunna confirmant les paroles que je viens de vous apporter ici. Ala kulli hal, ensuite que s'est-il passé? Après cela, il y a ce qu'on appelle Hajjatul Wada', c'est le pèlerinage d'adieu. Pourquoi le pèlerinage d'adieu? Nous, on arrive à la fin de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Fini hayati as-sira, donc à la fin de la sira, de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. On est dans la période qui s'appelle Hajjatul Wada', c'est-à-dire le pèlerinage d'adieu. Dans ce pèlerinage d'adieu, qui est le dernier pèlerinage qu'a exécuté ou accompli le prophète alayhi salatu wassalam, il y a ce qu'on appelle le sermon d'adieu. Le sermon d'adieu, c'est le sermon qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam pour faire comprendre entre autres aux croyants et aux croyantes qu'ici sa mort approchait, que la fin approchait. Et il a donné des dernières recommandations qui ont été bénéfiques bien sûr pour les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, pour les tabi'in, et pour les salafs bien sûr, pour les grands savants, jusqu'à nous au jour d'aujourd'hui. Ces recommandations seront bénéfiques à l'ensemble de la communauté jusqu'au jour de la résurrection. Avant ce sermon, que s'est-il passé? Ici, alhamdulillah, après que le prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim a vécu toutes sortes de préjudices, il a transmis cette religion pendant la période de 23 ans à peu près. Pendant 23 années, le prophète alayhi salatu wassalam a été torturé. Le prophète alayhi salatu wassalam a été touché physiquement, a été touché moralement, a été touché dans son honneur. On a touché ses compagnons, on a touché ses frères, on l'a touché. Et avec cela, il n'a cessé de quoi? De patienter. Inna Allah ma'as-sabirin. Certes, Allah Azza wa Jalla est avec les patients. Inna ma'al usri yusra. Certes, auprès de la difficulté, il y a la facilité. Inna an-nasra ma'as-sabr. Et certes, le secours vient ici avec la patience, comme a qala alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ici, il y a eu un moment de stabilité à Mecca. Il y a eu un moment de stabilité à Médine. Et ici, Dieu a tous les efforts fournis par le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, pendant ces longues années. C'est pas pendant 3 ans, c'est pendant 23 ans. Pendant 23 ans. On a voyagé pendant des dizaines et des dizaines de cours tout au long de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, on a vu tout ce qu'a vécu le prophète et les compagnons. Au bout de 23 années, voilà qu'il y a la stabilité ici à la Mecque et à Médine. Il y a une certaine stabilité qui a fait que de nombreuses tribus qui étaient avoisinantes de la Mecque, de Médine, sont venues rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam, ou bien pour embrasser l'islam, ou bien pour ici signer des traités de paix avec le prophète alayhi salatu wassalam. Khlas, par quoi? Par soumission. Ils savaient très bien que l'islam avait pris une ampleur telle que quoi? Ils ne pouvaient plus affronter le prophète et les musulmans. Khlas, ils ne pouvaient plus rien faire. Donc ici, ils venaient soit négocier, d'accord, Ahlul Kitab, ils venaient, les Yahoud wa Nassar, des Juifs, des Chrétiens, etc., soit négocier, ou soit certains venaient simplement embrasser l'islam, et ça se fut à l'an 10 de l'Hégire. Et ici, quand ils affluaient, les croyants, par milliers, vers la Mecque, pour accomplir le pèlerinage avec le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam fut réjoui de voir le résultat là, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que des milliers de musulmans de partout affluaient vers la Mecque. Pourquoi? Pour faire al-hajj ma'a al-habib al-nabi alayhi salatu wassalam, avec le bien-aimé le prophète alayhi salatu wassalam, le commandant al-amir, le responsable ici qui allait suivre, d'accord, ou alors plutôt organiser ces rites de pèlerinage. C'était qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. Des milliers sont venus pour faire le pèlerinage avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ici où le prophète alayhi salatu wassalam a dit khudhu anni manasikakum. Il dit prenez de moi les rites du pèlerinage. Prenez de moi les rites du pèlerinage. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit de prendre les rites du pèlerinage pendant ce pèlerinage qui est hajjatul wada', pendant ce pèlerinage d'adieu. Et ici, les compagnons furent réjouis de participer avec le prophète alayhi salatu wassalam à ce pèlerinage. Mais avant tout cela, combien d'années le prophète alayhi salatu wassalam a passé sur terre? On a dit 23 années. Le prophète alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jal lui a donné cette notoriété, cette joie, cet honneur ici de diriger pendant les rites du pèlerinage des milliers et des milliers de musulmans, de participer et d'être la cause ici de Fathu Mecca, la conquête de la Mecque. Mais avant cela, il y a eu du travail. Et les principales ou les principaux qualités qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, c'était quoi? As-sabr wal-yaqin. La patience et la certitude, la croyance ferme. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, il dit قال ابن القيم رحمة الله عليه إذا تزوج الصبر باليقين si ici la patience, avec une traduction approximative, se marie ou alors épouse ici la certitude, ولد بينهما الإمامة في الدين ثم قال قال رب العالمين. Ensuite, il dit, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahmahullah ta'ala, après dire ses propos, quand ici la patience se marie avec la certitude, quand la patience se marie avec la certitude, ils mettent au monde, si on veut, ou ils donnent naissance à qui? À des guides dans la religion. Et il dit, qala rabbul alamin. La preuve de cela, le Seigneur des mondes a dit, qala rabbul alamin. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Et il dit, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, ceci est conforme à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit, avec une traduction approximative, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens, parmi eux, Banu Israël, parmi eux, les juifs, Banu Israël, à leur époque, les juifs pieux, vertueux. Ici, Allah azza wa jalla dit, وَجَعَلْنَا مِنُهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Quand? À quel moment? Allah Azza wa Jalla a fait deux, ou parmi deux, des guides. Parmi eux, des guides, des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient ici, c'est-à-dire qu'ils patientaient. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا. Et ils étaient certains ou fermes dans leur croyance. Ils croyaient fermement à nos versets. C'est pour ça qu'al-ulama, ils disent, si la communauté veut avancer, si on veut avoir des guides solides dans la communauté, des gens qui soient des références dans le bien, des gens qui montrent la voie de la guider aux gens de la meilleure des façons, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici ils se doivent d'avoir ces deux qualités, c'est as-sabr et al-yaqin billahi azza wa jal wa bi ayati Allah subhanahu wa ta'ala. La patience, as-sabr, et ici la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. La certitude en au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, croire fermement au signe d'Allah azza wa jal, à ce qu'Allah a révélé, à ce qu'Allah a créé, en Allah azza wa jal, croire fermement en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as as-sabr wal yaqin, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina muqinin. Ici Allah azza wa jal dit, c'est la cause de ça que Allah azza wa jal a fait d'eux des guides dans la communauté, des guides qui guident les gens vers le bien. C'est quoi? Ils avaient ces deux qualités là, et c'était parmi les plus grandes qualités qu'avait le prophète alayhi afdaru salati wa askat taslim. Mais comment dire le contraire, alors que le prophète alayhi salatu wa salam, ici, il a patienté comme personne n'a patienté. il a rappelé à l'ensemble de la communauté que Al-Izza, la force, la notoriété, la gloire, la fierté, on ne l'a pas en répondant au mal par le mal. On ne l'a pas en montrant aux gens qu'on est des gens forts physiquement. Mais c'est en se rabaissant pour notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, comme قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح مسلم, من تواضع لله رفعه. Celui qui se rabaisse pour Allah, qui agit avec modestie envers Allah Azza wa Jal, rafa'a man Allah Jalla Jalaluh. C'est Allah Azza wa Jal qui va l'élever. Ad-dalilu ala dhalik, la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Et vous savez que dans Sahih al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wa salam s'était prosterné. Il était fils sujoud dans la prosternation. Et ici, alors qu'il y avait des gens qui étaient en train de rire du prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'ils ont dit parmi les mécréants, les associateurs? Qu'est-ce qu'on va faire pour rabaisser le prophète alayhi salatu wa salam? Takhayyal. Al-Habib al-Nabi alayhi salam fa huwa sajid. Il est en train de se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'ils disent? On va prendre ici le reste des abats d'une chamelle ou d'un chameau qui a été sacrifié. Et il y a plusieurs déchets et plusieurs impuretés. Et le prophète était prosterné alayhi salatu wa salam. Khayru khalqillahi azza wa jal khalilur rahman. Et ils ont renversé ça sur le dos du prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il était prosterné. Et ils se mirent à rire et à rire et à rire. Et Fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, elle est venue et elle tirait ici toutes ses impuretés du dos du prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous, sa propre fille, ici qui tire toutes ses impuretés, le prophète il reste prosterné. Et il se lève, le prophète alayhi salatu wassalam, il se lève. Est-ce qu'il est parti les combattre? Est-ce qu'il a répondu au mal par le mal, c'est-à-dire en les insultant? Non, il a invoqué Allah Azza wa Jal pour ce contre ces personnes-là. Walakin, ici il n'a pas répondu au mal par le mal. Le prophète il a patienté. Et avec cela, yu al-ikhwat wal akhawat, Allah Azza wa Jal a dit au prophète alayhi salatu wa salam, alors qu'il a enduré, le prophète alayhi salatu wa salam s'est vu révéler ce verset coranique où Allah Azza wa Jal a dit: fasbir kama sabara ulul azm, fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul, et patiente comme ont patienté ici les prophètes. Les prophètes, quels prophètes? Allah Azza wa Jalla dit ulul azm, c'est-à-dire les messagers doués de fermeté. Allah Azza wa Jalla dit fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul, avec tout ça. Et le prophète alayhi salatu wa sallam n'a cessé de patienter, même quand on a dit que sa propre épouse était une fornicatrice, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha at-tahira, la pure, la pieuse, la vertueuse, qui a été ici innocentée par Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim. On l'a touchée physiquement, dans son honneur, dans sa famille, chez son épouse, dans son foyer. On est rentré et on l'a touchée. Ça c'est quoi? La voix de l'Anbiya et wal-Rusul. Ça c'est la voix de qui? De ad-du'at, les prédicateurs. À partir du moment où tu transmets la religion, accroche-toi et sache que tu vas recevoir des épreuves. Et ceux qui ont été le plus éprouvés, c'est les prophètes et les envoyés à leur tête, Muhammad alayhi afdalu salati wa askat taslim. On verse des déchets sur lui, il patiente. Sa fille elle vient, imaginez-vous comment elle a dû avoir mal. Imagine-toi ta fille qui est là et qui essaie de te défendre, et tout le monde rit de toi, et on a mis des déchets, etc., etc. Il patiente. Il va à Taif, à pied, ici sans monture, à pied, faire des kilomètres et des kilomètres sous le soleil, pour les appeler à quoi? Pour les appeler à Allah Azza wa Jal, ad-da'watu ila Allah, pour leur dire craignez Allah, pour être la cause qu'ils ne soient pas voués en enfer avec ça. On le reçoit, on l'accueille avec quoi? Des enfants qui lui jettent des pierres et le sang coule, et il fait une invocation pour ou contre eux? Il fait une invocation pour eux. Alors qu'ici il aurait eu l'occasion de donner l'autorisation. Il aurait pu donner l'autorisation ici à l'ange des montagnes. Et khlas, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal aurait fait de ce peuple? Il les aurait écrasés entre les montagnes. Walakin, il a invoqué Allah Azza wa Jal pour eux. Le prophète alayhi salatu wa salam, qui s'est vu ici frappé, on l'a frappé pendant la bataille de Uhud. Jusqu'à ce qu'il a eu, le prophète alayhi salatu wa salam, une dent cassée. Physiquement, ils l'ont frappé. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam, ici, il a dit ça c'est une humiliation, faut me venger? Khlas. Nous, au jour d'aujourd'hui, ce qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam, on aurait vu ça comme une quoi? Une humiliation et une faiblesse. Walakin, le prophète alayhi salatu wassalam, il ne se rabaissait pas par faiblesse. Walakin, par quoi? par amour envers son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, par soumission envers son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et ici car il savait que c'était pas le moment de réagir avec force. Et ici il réagissait avec sagesse, il répondait au mal par le bien, et ça c'est l'enseignement du prophète alayhi salatu wa salam. Et certes, il faut pas attendre les fruits tout de suite. Des années et des années et des années après, 23 ans après, voilà que ici le prophète alayhi salatu wa salam, par la permission d'Allah azza wa jal, se voit exécuter ou accomplir Hajjatul Wada, le pèlerinage d'adieu, alors qu'il est dans un moment de stabilité à la Mecque et à Médine. Et ici il y a des milliers, des milliers, des milliers de croyants et des croyantes qui ont afflué de partout pour l'accompagner alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et c'est pour ça qu'on doit toujours se rappeler de ça. Ici le résultat n'est que joie, n'est que bonheur si tu as été parmi les patients. Ici-bas avant le delà. Ici-bas avant le delà. Allah Azza wa Jal ne dit-il pas dans le Coran Al-Karim, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah Azza wa Jal, il donne la récompense, il rétribue les patients. Comment il les rétribue? Sans compter. Bighayri hisab. Sans compter. Il n'y a pas de récompense délimitée. Si tu fais ça, tu as telle récompense. C'est bighayri hisab. Inna Allah ma'a. Inna Allah ma'a as-sabirin. Inna Allah yuhibbu. Inna Allah yuhibbu as-sabirin. Allah dit dans le Coran Al-Karim, Allah aime les patients. Allah aime les patients. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans le hadith rapporté par Ibn Hibban, bi sanadin sahih, très connu, et il nous rappelle le prophète alayhi salatu wa salam, que c'est un signe de piété d'être éprouvé. Que c'est un signe de piété d'être éprouvé. Et plus tu es éprouvé, et plus tu es aimé par Allah Azza wa Jal. Comme a dit alayhi salatu wa salam, inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Si Allah Azza wa Jal aime un peuple, il l'éprouve. Et comme le prophète a dit dans le hadith rapporté par Ibn Hibban bi sanadin sahih, le prophète alayhi salatu wa salam, quand on l'a interrogé quels sont les hommes les plus éprouvés, il a répondu qui? Les prophètes, al-anbiya. Les prophètes, puis les hommes exemplaires et ainsi de suite. Ensuite, ba'd al-anbiya, les plus pieux, les plus exemplaires. Plus tu es pieux, et plus tu seras éprouvé. Et c'est un honneur quelque part d'être éprouvé. Je dis pas, on demande les épreuves, mais quelque part, c'est un honneur d'être éprouvé. Écoute ce que dit le prophète alayhi salatu wa salam ensuite. Il dit, les hommes sont éprouvés en fonction de l'ampleur de leur iman, de leur foi. Plus le wahad il a l'iman, et plus il va avoir quoi? L'ibtilaat, les épreuves. C'est comme ça, hakada. C'est comme ça. Allah Azza wa Jalla a voulu que ça soit comme ça. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam, ici, il dit, ainsi, celui qui a une foi ferme aura des épreuves plus dures, et celui qui a une foi faible aura des épreuves plus légères. Tu as une petite foi, tu auras un peu d'épreuves. Tu as l'iman, mashallah, les épreuves accroche-toi. Tu auras beaucoup d'épreuves. Ensuite, écoute, et l'homme subit un grand nombre d'épreuves jusqu'à ce qu'il parcourt la terre sans avoir aucune faute. Khlas. Il y a des gens, yamshi ala al-ard. Il va marcher sur la terre. Il a plus un péché. Parce qu'Allah Azza wa Jal, quand il nous éprouve, avant tout, il nous éprouve pourquoi? Connaître les véridiques des menteurs. Khlas, tu es véridique. Allah Azza wa Jal t'éprouve pourquoi? Pourquoi? Pour purification. Expiation des péchés. Alhamdulillah. Comme a dit alayhi salatu wa salam, fil le hadith al-sahih, il n'y a pas une maladie, une tristesse, un souci, jusqu'à ce qu'une épine vous pique, sans qu'Allah vous efface des péchés. Donc ici, Allah Azza wa Jal veut t'effacer des péchés, pour que tu rencontres Allah Azza wa Jal pur. Pur. Ensuite, il y a des gens, khlas, ils ont plus de péché, ils vont marcher sur la terre sans aucune faute. Il y a des gens qui marchent, ça existe. Ils marchent sur la terre, ils ont aucun péché. Ils font des péchés, mais tout leur péché a été pardonné. Wa hadha min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a un bien dans les épreuves. Et regardez le hadith ici. Il nous dit quoi? Plus la personne aura la foi, et plus elle sera éprouvée. C'est pour ça, on ne dit jamais aux gens. Et retenez ça, et ça c'est une règle dans l'aqidah. On ne dit jamais quand vous faites da'watu ila Allah azza wa jalla aux gens, on va pas dire, on ne dit pas ce que je vais vous dire là, mais on ne dit pas simplement ça. Il faut ici aller plus loin, vous allez comprendre. Par exemple, toi tu vas parler à une personne, et tu vas lui dire, chauf ya akhil karim, ici, toi, si tu fais la prière, si toi tu jeûnes, si toi, yani tabta'id min al ma'asi, tu t'éloignes des actes de désobéissance, tu vas vivre as-sa'ada, fi dunya wal akhir. Ou نقول في الدنيا مثلا على سبيل المثال يقول الشخص يعني في الدنيا simplement dans الدنيا. C'est une vérité ou pas? C'est une vérité. نعم. Celui qui quoi? Celui qui accomplit une bonne œuvre, d'accord? Tout en étant croyant, que ce soit mâle ou femelle, il vivra, on lui fera vivre une vie طيبة, bien, bonne, heureuse. Clair. ولكن est-ce que ça doit se limiter à ça? Ça doit se limiter à ça, notre da'wah aux gens ou pas? Il faut toujours relier le cœur des gens avec l'akhirah. C'est pour ça le prophète عليه الصلاة والسلام كان يقول دائما من فعل هذا أو من فعل كذا وكذا فله الجنة. من فعل هذا فله الجنة. من فعل كذا وكذا فله الجنة. Celui qui fait cela, il a le paradis. Celui qui fait cela, il a le paradis. Pourquoi? Pour que leur cœur soit toujours relié à quoi? Al-akhirah. Pour espérer toujours la récompense divine, l'agrément d'Allah, le paradis. Vous m'avez compris ou pas? Exemple. Premier exemple que j'ai donné, c'est quoi? Si tu fais ça, tu vas vivre le bonheur ici-bas. Si tu fais ça, tu vas vivre... C'est une réalité, mais c'est incomplet. Parce que si tu dis que ça à la personne, elle va arriver à un stade où elle va vouloir œuvrer que pour des intérêts mondains. Que pour avoir le bonheur ici-bas. Hein? Ici, on ne fait pas des actes d'adoration que pour avoir le bonheur ici-bas. On fait des actes d'adoration avant tout pour satisfaire Allah Azza wa Jal, par obéissance. Et on veut d'abord la satisfaction de l'au-delà, qui est la satisfaction éternelle, le paradis. Ensuite, bien sûr, on veut ad-dunya. Mais ça doit venir en dernier plan. On veut la vie heureuse. Mais si tu mets ça dans la tête aux gens, déjà c'est une erreur au point de vue de l'aqidah. Mais si en plus de ça, tu mets ça dans la tête aux gens, c'est que ça dunya, c'est une réalité, mais c'est pas complet, c'est incomplet, imagine-toi. Quand la personne va commencer à faire la prière, elle va commencer à s'accrocher dans la religion. Ce qui est conforme au hadith que je viens de citer, c'est que plus sa foi va augmenter, plus il va avoir des... Donc il va dire, qu'est-ce qu'il m'a raconté la khoul? Galia, si tu salais, si tu fais din djel, si tu fais ça, si tu fais ça, tu vas vivre sa'ada, masha'Allah. Plus j'avance dans din, plus j'ai des épreuves. Khlas, moi je laisse tout. Donc quand vous connaissez l'histoire, hada ma yuqal. Ça c'est ce qu'il dit, je dis pas, c'est vrai, c'est un hadith ou autre. Il est dit, raconté, hein, qu'une personne était en train de prêcher une autre personne, c'était un gardien de troupeau de moutons, et il lui prêchait la bonne parole, etc. Il faut t'accrocher à ta religion, tu vas vivre le bonheur, etc. pendant des années. Il a dit, là, je vais commencer à faire la prière. Il commence à rentrer dans la religion. Premier jour, deuxième jour, échec de Dinjalo, masha'Allah, etc. Khalas, il voit un mouton qui meurt. Masha'Allah. Deuxième jour encore, il avance plus, il a deux moutons, trois moutons qui meurent, quatre moutons, cinq. Il dit, depuis que je suis rentré dans cette religion, tous mes moutons sont en train de mourir. C'était un berger. Il a dit, là, j'arrête de faire la prière. Il a arrêté. Et un jour, à chaque fois, quand il s'arrêtait, par exemple, dans un endroit avec ses moutons, et ses moutons lui désobéissaient ou partaient, qu'est-ce qu'il leur disait quand il leur parlait? Tu reviens ou je fais de rak'at? Regardez. Et son cœur était accroché avec dunya, khlas. Al-jaza, ici, il attendait. Ils se disent, khlas. Moi, je sais que quoi? Si je fais la prière, j'ai des épreuves, vous allez mourir. Amma ici, si je délaisse la prière, tout va bien. Regardez, pourquoi? Parce que ici, il y a une mauvaise compréhension. C'est pour ça, faut pas dire aux gens tout le temps. Ici, si tu fais ceci, si tu fais cela, tu vas vivre le bonheur. Certes, c'est vrai, c'est une réalité. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Même si de façon extérieure, tu vas pas vivre le bonheur tout le temps. Walakin al-mu'min al-qawi, le fort, le croyant fort de iman, même s'il a des problèmes, même s'il a des épreuves, à l'intérieur, il sera souvent, ou la plupart du temps, mertah, alhamdulillah, apaisé. Toujours son cœur apaisé. Et c'est pour ça qu'on doit ici rappeler les gens. Et c'est ça la bonne éducation du prophète alayhi salatu wa sallam. Man fa'ala hadha, ou man fa'ala kadha wa kadha, lahu al-janna, falahu al-janna. Il aura le paradis. Toujours il voulait le paradis. Donc il faisait l'ibadat, les actes d'adoration avant tout pour l'akhirah, pour satisfaire Allah. Maintenant il y a des gens par exemple, ala sabil al-mithal, ils vont dire, tu vas parler à une personne, tu vas lui dire, chauffe. Anta mudakhin wal iyadu billah, tu fumes la cigarette, une personne qui fume, etc. Regarde, c'est pas bien pour le corps, c'est pas bien pour ton argent, c'est pour ta santé, etc., etc. Il arrête la cigarette pour toutes ces raisons que je viens de citer. Parce qu'il dit, ça me fait gaspiller de l'argent, et en plus de ça, ma santé c'est pas bien, etc., etc., etc. Est-ce que ici, il a arrêté ce péché ici pour des intérêts mondains d'ici-bas, ou pour satisfaire Allah Azza wa Jal et se repentir auprès de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? C'est le premier cas. Est-ce que sa tauba, elle est complète ou pas? Elle n'est pas complète. Une tauba, c'est quoi? Awalan an-nadam. Al-ikhlas wa an-nadam, c'est la sincérité. D'abord pour Allah Azza wa Jal. Et c'est regretter ce qu'on a fait. Avoir la ferme résolution de ne plus recommencer. Et c'est ici de délaisser le péché. Walakin parmi... يعني الشروط, les conditions de tauba, c'est quoi? Al-ikhlas lillahi Azza wa Jal. Donc c'est un péché. Donc quand tu fais un péché, tu demandes à l'istighfar, la demande de pardon, ou alors à repentir. Walakin la personne, il ne s'est pas repenti auprès d'Allah, il a délaissé le garro, d'accord, at-tadkhin, la cigarette, le fait de fumer, etc. Pourquoi? Parce que ça lui fait mal, il gaspille trop d'argent, pour économiser ou pour son corps. Alors qu'il doit d'abord awalan faire ça pour qui? Parce que c'est haram. Et il demande pardon à Allah Azza wa Jal. Il se repent de ce péché qu'il a fait, Et ici, son repentir est complet. Ensuite, ça vient bien sûr, parce que ça nuit à ta santé, c'est la santé c'est Allah qui te l'a donné. Mais awalan, il faut qu'il se dise, je m'éloigne parce que c'est haram, et je demande pardon à Allah Azzawajal pour ce que j'ai fait. Et regardez, c'est pour ça que ici, la plupart des gens, quand ils font une action, ils révisent pas assez bien leur intention. Pourquoi je me repens? Pourquoi j'adore Allah Azzawajal? Pourquoi? Ça ne suffit pas de dire pour vivre le bonheur, car Allah a dit, tu vivras une vie de bien. Oui, ça c'est parmi les causes pour lesquelles on doit s'accrocher aux actes d'obéissance. Mais avant tout, c'est pour obéir à Allah Azza wa Jal. Al-istislam lillahi Azza wa Jal. C'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que c'est un amr, un impératif, un ordre de la part d'Allah et du prophète alayhi salatu wa salam. Parce que je suis tombé dans le ma'as et les désobéissances et je dois me repentir pour pas avoir le châtiment dans le-delà. Et parce que je veux le paradis, al-akhira. Pourquoi? Pour que simplement, quand tu as des épreuves, alhamdulillah, al-thabat, la fermeté, tu vas l'avoir tout le temps. Et c'est grâce à ça, avec la bonne compréhension, que les gens, ils ont une bonne, ils arrivent à patienter lors des épreuves. Même à ceux qui disent toujours, oui, je fais, ici des actes d'adoration, mais je vis que le malheur. C'est ceux-là qui se plaignent tout le temps. Mais celui qui a compris ça, il dit, khlas, moi je sais que plus Allah Azza wa Jal aime une personne, plus il éprouve, plus tu as l'iman, et plus tu seras éprouvé, mais même si tu seras éprouvé beaucoup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah, il donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Et Allah Azza wa Jal, il aime ceux qui patientent et il dit, inna Allah yuhibbu sabirin. Moi j'aime, Allah m'aime, Allah me soutient, Allah m'aide. Dans tous les cas, alhamdulillah. Quel plus bel amour que l'amour d'Allah? Quel plus bel soutien que le soutien d'Allah Azza wa Jal? Quel plus beau soutien que le soutien d'Allah Azza wa Jal? Dans tous les cas, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, certes, il va t'éprouver beaucoup, mais c'est lui qui va te permettre de patienter. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Et patiente, et tu ne pourras patienter que par la permission d'Allah Azza wa Jalla, avec l'aide de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc il faut avoir une bonne compréhension des épreuves. Et les épreuves, les prophètes les ont eues. Les envoyés les ont eues. Et toute personne qui va s'accrocher à la voie ici droite, au Coran et à la Sunna, bi fahmi salafi l'umma, qui va transmettre la religion, il doit s'attendre aux épreuves. Mais il doit patienter et demander toujours à Allah Azza wa Jalla qu'il le raffermisse et qu'il le soutienne et qu'il l'aide. Et il ne demande jamais les épreuves. Et c'est pour ça que le prophète a eu ce qu'on appelle sabrun jamil, la belle patience. C'est quoi la belle patience? Comme a dit les ulama, certains savants ont dit la belle patience c'est quoi? C'est le fait de patienter. Wa tabtari bihadha as-sabr. Tu cherches quoi à travers cette patience? Moi, regarde toutes les épreuves que j'ai, mon frère. Regarde, j'ai ça, et je patiente. Alhamdulillah. Ça, c'est pas la belle patience. Comme Yaqub alayhi salam, il l'a dit. Ici, la belle patience, c'est quoi? C'est le fait de t'en remettre à Allah Azza wa Jal, de ne te plaindre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et pas aux gens, d'être satisfait quant au destin d'Allah Azza wa Jal al-Qadar, et c'est ici de ne pas chercher l'agrément ou alors les consolations des gens à travers ta patience, mais l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Khalas. On ne veut ici aucune glorification des gens, aucune éloge des gens à travers la patience, mais simplement qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de nous. Khalas, tu patientes en disant, Ya Rab, moi je me plains à toi. Ici, je te demande ton aide, bien sûr, khalas. Walakin, tu vas pas te plaindre aux gens. Ouais, mais regarde, moi j'ai toujours des épreuves, etc. Et tu te dis, moi je patiente et je vais patienter pour qu'Allah soit satisfait de moi. Pas pour que les gens disent, regarde, mashallah, il patiente. Tout ce qu'on lui a fait, il patiente. Non. Même si les gens le disent, toi tu n'as pas cherché, khalas. Toi le principal, tu cherches pas les éloges. Amma, les gens te font des éloges, ça c'est autre chose. Walakin, toi tu ne cherches pas les éloges. Tu ne veux pas que les gens ils te disent, te font des éloges, etc. Lakin, ici si on te fait des éloges, c'est autre chose. Khlas, toi tu dis comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, mathalan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, waghfirli bima la ya'lamun, waj'alni khayra mimma yadhunnun. Tu fais des invocations qui relèvent de la sunna du prophète alayhi afdalu salatu waskat taslim. Et tu fais l'invocation qui va t'éloigner du shirk. Ash-shirkul asghar, et ici la petite et la grande association. C'est pour ça que le prophète alayhi salam disait, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allah, je cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre ici le fait de t'associer quoi que ce soit alors que je sais ou que je ne sais pas. D'accord? Et je demande pardon pour ce que je ne sais pas. Donc ici, on demande protection à Allah Azza wa Jal contre quoi? Le fait de chercher ar-riya, l'ostentation, ou tomber dans l'ostentation, wal'iyadhu billah. Tu cherches pas les glorifications, mais quand on te les fait, c'est autre chose. Walakin, ici, la personne, elle cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a fait. Et c'est pour ça qu'ici, on voit que le prophète alayhi salatu wa salam a mérité ce moment de gloire. Et il a toujours agi avec modestie, même dans ses moments de gloire, alors que derrière lui, il y avait des milliers et des milliers de croyants et de croyantes qui étaient venus pour accomplir le pèlerinage, pour satisfaire Allah Azza wa Jal, mais pour être en présence du prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim. Il a fait ce fameux sermon. Ce sermon qu'il a fait, qui est très connu, d'accord, lors de ce hajj, le pèlerinage d'adieu. Et ici, il y a quelques enseignements, profits, fawaïd, qu'on prend de ce sermon. Parmi ces profits, il y a le fait que le prophète alayhi salatu wa salam s'approchait de quoi? De sa mort. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدَخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَ أَفْوَاجَ. Pourquoi? Parce que là c'était le moment, ça y est, plein rentré dans l'islam. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Al-istighfar qui est indiqué la mort imminente du prophète alayhi salatu wa salam. وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Donc ici, le prophète alayhi salatu wa salam savait qu'il s'approchait de ses derniers jours. Et à votre avis, une personne qui sait qu'il va mourir dans les prochains jours, cette personne qui va te parler de la religion, comment va te parler cette personne? Ou plutôt, est-ce qu'elle va te parler avec plus de conviction, de façon générale, que la personne à qui on n'a pas informé qu'il allait mourir? Comment il va parler à la personne qu'on lui dit « il reste 3 jours à mourir » ou « un mois » ou « un mois et demi » Quand il va te parler, il y a plus de chances qu'il soit sincère que l'autre. Et ses paroles seront plus lourdes en profit que l'autre personne. Il va te parler avec certitude, avec iman, avec tawakkul, saïkhlas, avec khawf, khashia, la peur, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Al-khawf ou al-khashia, la différence c'est quoi? Al-khawf c'est quelque chose de tabi'i, naturel, que tout le monde a. Amal khashia, innama yakhsha Allah min ibadihi, al-ulama. Seuls parmi mes serviteurs, ceux qui me craignent ce sont, parmi mes serviteurs, seuls ce sont, ou seuls parmi mes, ce sont les servants qui me craignent le plus parmi mes serviteurs, avec une traduction approximative. Donc ici, Allah Azza wa Jalla rappelle que quoi? Al-Khashia, il l'utilise pour qui? Al-Ulama. D'accord? Parmi mes serviteurs, ceux qui me craignent le plus, ce sont les savants. D'accord? Al-Ulama. Donc ici, l'Ulama, ils disent, comme il dit Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, Al-Khawf, avec Al-Ilm, ça donne Al-Khashia. D'accord? Innama yakhsha Allah min ibad al-Ulama. Allah Azza wa Jalla utilise Al-Khashia quand il parle de l'Ulama. Donc ici, va te parler avec crainte, avec science, avec, c'est pas comme quelqu'un qui sait pas. Alors qu'on ne sait pas quand on va mourir, peut-être on va mourir, mais quelqu'un qui a l'information, qui sait proche, de façon proche, il va mourir, c'est pas pareil. Comme tu vas voir une personne qui est dans son lit d'hôpital et qui sait que la mort est proche de lui. Est-ce que tu vas le voir aussi joyeux qu'une personne qui ne sait pas quand il va mourir? Abadan. Est-ce que celui qui est dans son lit d'hôpital, il va te parler de dunya? Abadan. Est-ce que celui qui est dans son lit d'hôpital et à qui on a dit ici, sauf quelques cas, Allah al-Musta'an, mais à qui on a dit dans les prochains jours tu vas mourir, il va te dire bon, il faut que j'investisse, que j'ouvre un commerce, que dunya, il va la divorcer plus de 3 fois. Parce que c'est, il a vu ici que la vraie vie, c'est pas dunya, c'est ce qui vient après dunya. Allah Azza wa Jalla il a créé quoi pour nous? Alladhi khalaqa, il a créé quoi? La mort et la vie. D'accord? Il commence par la mort et la vie. La vraie vie, c'est pas ici bas, c'est ce qui nous attend après. Et ici, c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit à l'ulama, il était dans une position, on va dire, où il était au top concernant les exhortations qu'il pouvait donner. Ça, il était au moment où la mort était très proche pour lui, très proche de lui. C'est la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Il voit les milliers de musulmans croyants et croyantes devant lui. Il peut les exhorter, leur donner une exhortation qui va avoir une énorme impact. Là, on sait que on est arrivé à un stade où ses paroles vont être extrêmement lourdes en bénéfice. Bien sûr, toutes les paroles du prophète alayhi salatu wa salam sont très lourdes en bénéfice. Mais là, c'est un moment, il y a plusieurs paramètres qui sont réunis qui font que khlas. Là, ça va être quelque chose de très très très très très très bénéfique. Et ces paroles vont apporter de nombreux et nombreux et nombreux profits pour l'ensemble de la communauté jusqu'au jour de la résurrection. Première des choses. Deuxième des choses, rapportée par l'imam al-Bukhari au muslim, le prophète alayhi salatu wa salam a dit à Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu arda, enjoint aux gens de garder le silence. Deuxième des choses, خلاص, il allait faire al-khutbah. Il a dit à Jabir ibn Abdillah, comme a fait Sahihain, dit aux gens, خلاص, ansitou, taisez-vous, écoutez, gardez le silence. Alors qu'ils étaient des milliers, sans micro, sans bave, sans enceinte, vous connaissez ce récit très connu. Et ici, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla a fait que tout le monde a entendu. Alors qu'ils étaient des milliers, sans que le prophète alayhi salatu wa sallam prenne de micro ou quoi que ce soit. Ça fait partie de quoi? Une mu'jiza. C'est un miracle accordé au prophète alayhi salatu wa sallam. Donc ils étaient des milliers et des milliers à écouter. Et le prophète il a dit à Jabir ibn Abdillah, transmets-leur et dis-leur d'écouter. Et là, parmi les prophètes, regardez ce que disent les ulama, ils reprennent la parole de Soufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala. Et il dit, qala Soufyan, rahimahullah ta'ala, al-ilm, le savoir, a ses débuts. Al-ilm, il y a des débuts dans l'ilm, le savoir. Et il dit, le début, c'est quoi? C'est l'écoute. Le début, c'est l'écoute. Ensuite, le silence. C'est d'écouter avec silence. C'est ça, comme ça que tu apprends l'ilm. Regardez Soufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala. C'est pour ça, les ulama, ils disent, Allah Azza wa Jalla nous a donné deux oreilles et une seule langue pour nous apprendre à écouter plus que ce qu'on parle ou ce qu'on dit. À nous apprendre à écouter plus que de parler. Écoute plus et parle moins. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kama fi sahih al-Bukhari. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda, il disait, ce qui mérite le plus d'être enfermé, c'est quoi? La langue. Ou emprisonné, c'est la langue. Et ici, Soufyan al-Thawri, il dit, le début de la science, c'est quoi? Écoutez. Avec le silence. Et c'est pour ça que dans le khutbatul Jumu'ah, le prophète, alayhi salatu wa salam, dit, comme dans le hadith rapporté par l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, celui qui dit à son frère, tais-toi ou écoute, il n'a pas de Jumu'ah. Pour ça, les ulama, ils disent que vraiment, quand il y a une nécessité, tu as droit de faire un signe à ton frère. Un signe. Parce que le prophète, alayhi salam, il a dit, la parole, al-kalam, écoute. Voilà qu'il faire un signe. Comme ça, oh, tu peux faire. Mais parler, non. Bayna khutbatayn, ici, entre les deux khutbas, parler à l'imam, il n'y a pas de problème. Parce que là, il n'y a pas le khutba, il n'y a pas l'imam qui parle. Donc l'imam, il peut parler aux gens, et les gens peuvent le parler à l'imam s'il y a une raison. D'accord? Quand il s'assied entre les deux khutbas. Avant le khutba, oui. Après le khutba, oui. Qabla le khutba, il n'y a pas de problème. Après, ba'd le khutba, il n'y a pas de problème. L'imam, wa huwa ala al-mimbar, il est sur le mimbar, il veut parler à quelqu'un, c'est autorisé. Mais à part cela, tu n'as même pas droit de dire à ton frère, ensuite, tais-toi, ou écoute, ou regarde le prêche, ou arrête de faire ça. Même ça, t'as pas droit. Soit tu fais, tu fais un geste, ici qui indique arrête-toi, ou baisse, ou monte, il n'y a pas de place, etc. Mais sinon, t'as pas droit de parler. Pourquoi? Le prophète, alayhi salam, il a fermé la porte. Ici, à quoi? Il a fermé la porte à quoi? Al-Fouda. L'anarchie, tu vas rien comprendre, tu vas rien entendre, ici, khalas, parce que, en général, on sait, que le jour du Jumu'ah, regardez, à 14 siècles, le prophète, alayhi salam, il a fermé la porte à tout débordement. On sait très bien que c'est le jour du vendredi où les mosquées sont le plus pleines. Ils sont très pleins, les mosquées. Alors imaginez-vous, il y aurait passé mise en garde sur le fait de parler. Peut-être que plein de monde parlerait, ça serait, on ne comprendrait rien du tout. Mais là, il y a cette menace qui fait que tous les musulmans en général, dans toutes les mosquées, même s'il y a 3000, 4000 personnes, les gens s'efforcent à même pas dire un mot. Tout le monde est concentré, ici, à l'exhortation de l'imam. Et le prophète, alayhi salam, a donné cette exhortation à 14 siècles. Et ça, c'est la preuve encore que le prophète alayhi salatu wassalam, huwa alladhi la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Est-ce que vous croyez que ici, l'ampleur à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le nombre de musulmans à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam était le même que nous maintenant, au jour d'aujourd'hui, des milliards et des milliards? Abadan! Mais regardez, à l'époque du prophète, déjà il avait dit, déjà dans les débuts, voilà, khlas, quand il y a Jumu'ah, pas droit de parler. Khlas, même pas dire un mot, même pas un mot. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il savait qu'il y avait du monde. Là, il a dit khlas. Parce que vous savez, quand il y a du monde, le fait juste de dire un petit mot. L'autre dit un petit mot, là, t'entends plus rien. Un mot, tu peux pas. Donc ici, le prophète Hassan, il a dit à Jabir. C'est pour ça, Soufyan al-Thawri, rahmallahu ta'ala, il dit la science à ses débuts. Le début, c'est l'écoute. Ensuite, c'est quoi? C'est le silence. Et c'est pour ça, on exhorte particulièrement al-Akhawat, nos chères sœurs. Parce que malheureusement, en général, dans toutes les mosquées, d'accord, ou si ce n'est la quasi-totalité des mosquées, en général, quand on regarde les hommes, qui sont souvent plus nombreux que les femmes, on voit et on entend des échos que chez les femmes, il y a toujours des femmes qui parlent pendant le Jumu'ah. En général, moi par expérience, chez beaucoup de frères, quand on va dans une mosquée un peu partout, on entend toujours ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à se contrôler. Et ça, c'est quelque chose de grave. Ici, la personne qui va apprendre la science, il faut qu'elle ait ce qu'on appelle l'adab, la politesse. Et la politesse, c'est pas avant tout envers celui qui transmet la religion, envers l'islam, envers Allah, envers le prophète. Parce que l'imam, qu'est-ce qu'il dit? قال الله وقال الرسول. Donc il parle ici, il dit Allah a dit, le prophète a dit. Donc ça, c'est un respect envers Allah et le prophète avant tout, de se taire, le fait de se taire. Ensuite, bien sûr, envers celui qui transmet la religion, c'est la moindre des choses. C'est d'écouter, d'être concentré, et c'est pour ça que même Ahlul Ilm, ils disent, ici ce qui fait partie des bienséances quand on apprend la science, c'est pas de s'allonger, de bâiller, de regarder son heure, etc., alors que tu suis un cours. Imaginez-vous ici le manque de comportement. Quelqu'un, il fournit des efforts. Je ne fais pas de la pub pour moi, abadan, hein? Allah ici. Mais quelqu'un fournit des efforts et il transmet la religion pour t'enseigner la religion et toi tu regardes l'heure devant lui. C'est un respect. Toi, tu vas aller devant un patron, tu vas un khadma et tu le fais. Il parle avec toi, tu dis. Khalas, tout de suite, il va dire, prends tes bagages, cours et je veux plus te voir d'ici. Comment si tu regardes là pendant que je te parle? Donc, moi, je te casse la tête. Ça, c'est un patron pour dunya, pour, yani, umur ad-dunyawi. Alors, qu'est-ce que tu dis concernant la religion? Qala Allah wa qala ar-rasul. Alayhi salatu wa sallam. C'est un manque d'ihtiram. Donc, il faut être posé. Et parmi les règles de bienséance, quand on écoute, c'est quoi? C'est d'écouter, mais avec le silence. Il dit, Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il dit, ensuite, c'est de retenir ce que on a appris, ce que on a entendu. D'accord? C'est ça, l'ilm. T'écoutes avec le silence, parce que ça va t'aider à te concentrer, et t'essaies de retenir. Il faut obliger de retenir. Parce que si tu restes toujours avec n'importe quel endroit, si tu n'as pas un support, un livre, une feuille, un cahier, tu es perdu, tu as plus de science. Est-ce que cette science va être bénéfique? Ça va jamais être très bénéfique, on va dire. Pourquoi? Un jour, tu vas être dans un endroit, tu vas voyager, tu vas être dans une situation, tu devras réconcilier entre deux personnes, tu vas être dans n'importe quelle situation, tu as besoin de ton ilm, tu as besoin de la science. On a besoin de la science dans toute chose. Plus que la nourriture, comme il dit l'imam Ahmed, rahmatullahi alayh, car la nourriture, on en a besoin une ou deux fois par jour. Tandis que la science, on en a besoin, à chaque moment, on en a besoin. Pour manger, tu as besoin de l'ilm. Azzakum Allah, pour aller aux toilettes, tu as besoin de la science. Pour travailler, tu as besoin de la science. Pour construire une mosquée, tu as besoin de la science. Pour faire ad-da'wa, tu as besoin de la science. Pour te comporter avec ta femme, tu as besoin de la science. Pour avoir des rapports avec ta femme, tu as besoin de la science. Pour chaque chose, tu as besoin de l'ilm. On a besoin de la science pour toute chose. Donc ici, on a besoin de l'ilm. Donc il faut pas ici compter simplement sur des écrits tout le temps. Il faut avoir la science avec soi. D'accord? Retenir. Continue. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, il dit, puis c'est de le mettre en pratique. Puis c'est de le mettre en pratique. Comme قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح, le savant qui enseigne la religion et qui ne la met pas en pratique, il est tel un flambeau qui éclaire ceux qui sont autour de lui, alors que lui, le flambeau, vous savez c'est quoi le flambeau, hein, alors que lui il se consume. Regardez, le prophète عليه الصلاة والسلام dit, celui qui transmet la religion mais il l'applique pas, c'est comme un flambeau. خلاص, tu vas voir, il va illuminer les gens, voilà que lui va se consumer. Donc ici, nous, on applique après ce qu'on a appris. Ce qu'on a appris, on doit le mettre en application. Et ensuite, quand on a appliqué, qu'est-ce qu'on doit faire? Le transmettre. Avant la patience, il faut le transmettre. Al-Anbiya wa al-Rusul, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transmis. Kuntum khayra ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna bil. Vous transmettez la religion, c'est-à-dire vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah Azza wa Jalla. C'est transmettre la religion. Ça ne suffit pas de garder tout pour toi. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ. Donc ça c'est, ils ont été maudits. D'accord, ils ont été maudits. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. D'accord, ils ont été maudits, ceux qui ont mécru de Bani, à l'époque de Bani Israël, par la bouche de Isa et de Daoud. Pourquoi? Parce qu'ils transgressaient, ils désobéissaient et ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient mutuellement. Donc on doit transmettre. Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, c'est ordonner ici le bien, interdire le mal. Ça c'est wajib, obligatoire. Idha ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa dhalika ad'afu al-iman. Si quelqu'un d'entre vous voit un munkar, falyughayyirhu bi yadihi, avec la main, il l'arrête. S'il peut pas avec la langue, s'il peut pas avec le cœur, wa dhalika ad'afu al-iman. On doit transmettre. Et après avoir transmis, as-sabr. C'est obligé. Khalas, t'as pris le chemin de qui? Al-Anbiya wa al-Rusul, les prophètes et les envoyés. Et ceux qui ont reçu les plus grandes des épreuves, c'est qui? Les prophètes et les envoyés. Tu fais le travail. Regarde quel honneur. Tu fais le travail du prophète alayhi salatu wa salam. Tu fais le travail de Ibrahim alayhi salam. Tu fais le travail de Nuh alayhi salam. Tu fais le travail des prophètes et des envoyés. Regardez l'honneur. Tu transmets cette religion. Tu suis le chemin des prophètes et des envoyés. Donc ici, tu te dois de patienter. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. Wasbir wa ma sabruka illa. Donc ici, comme il a dit Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, donc Jabir ibn Abdillah, il a eu l'ordre du prophète alayhi salam de dire aux gens d'écouter et de garder le silence. Troisième des choses, le prophète alayhi salatu wasalam, comme il est relaté dans le hadith de Ahmed authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, selon Abu Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu warda, il disait, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wasalam prononcer un sermon aux gens, donc la khutba aux gens ici au cours du pèlerinage d'adieu. Et il était sur sa monture, sa chamelle. Le prophète Aïssam, il est monté sur la chamelle. Il est monté sur la chamelle, il se tint debout sur ses étriers, puis pour être mieux vu. Et ensuite, il s'écria, m'entendez-vous? Alayhi afdalu salati wa askat taslim. Donc, khalas. Ensuite, il s'est mis de façon apparente. Et on sait ici que plus la personne te voit quand tu lui parles, et te voit bien quand tu lui parles, et plus la personne est concentrée. C'est pour ça que la sunna al-mimbar doit être surélevée, pour que tout le monde voit l'imam. À la kulli hal, doit être surélevé. Certains savants disent que la sunna, c'est d'avoir 3 marches. D'accord, car le prophète Aïssam son mimbar, il avait à peu près la hauteur 3 marches. Donc à la kulli hal, le but de le mimbar, c'est que tu sois vu. Même si tu mets plus de 3 marches, il n'y a pas de mal. À partir du moment où tu es vu, il doit être surélevé. Un à faire 100 marches aussi, il n'y a pas d'intérêt. D'accord, 100 marches, certains ils font des immenses mimbar. Non, ici simplement surélevé, que tu sois vu. Plus la mosquée est grande, plus tu surélèves le mimbar. Clair. Et à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, An-Nisa, les femmes, ils étaient où? Ils étaient derrière les hommes. Ils étaient derrière les hommes. Jusqu'à certains genres de sciences, ils disent que tu n'as pas à séparer les femmes. Normalement, les femmes doivent rester derrière les hommes. À la kulli hal, ils étaient derrière les hommes. C'est pour ça que le prophète alayhi salam, il a dit le meilleur des rangs pour les hommes, c'est le premier. Le plus mauvais, c'est le dernier. Et le meilleur pour les femmes, c'est le dernier. Le meilleur, le plus mauvais, c'est le premier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient proches des hommes. Donc ça c'est une preuve pour ceux qui disent l'ikhtilat, c'est pas grave. Chauffe. Baytullah azza wa jalla. Le prophète est présent. Les meilleurs des créatures après l'anbiya wa rusul, as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, wa sahabiyat. Et avec ça, dans cette ambiance saine et pure, le prophète il dit le plus mauvais des rangs, c'est le premier pour les femmes, et le meilleur pour les hommes, c'est le premier. Pourquoi? Pour rappeler que plus tu es loin de la femme, et mieux c'est. Alors que dire si tu es dans souq ou je ne sais quoi encore? Ça c'est dans la mosquée. L'ikhtilat, le prophète Hassan, il dit khlas, plus tu t'es loin de la femme, mieux c'est. Alors que c'est des compagnons, c'est des femmes compagnons, c'est le prophète, c'est Baytullah, c'est l'ibada. Avec cela, non, khlas, plus tu es éloigné, mieux c'est. Subhanallah. Alors que dire de la mixité ambiguë qui quelquefois Allah al-musta'an. Ala kulli hal, ici, les femmes, ils étaient juste derrière les sahaba. Et c'est pour ça que les femmes, ils voyaient le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que certains disent, est-ce qu'on peut refaire une transmission, une retransmission, par exemple d'un prêche du vendredi, avec une télé, dans la salle des femmes? Qu'est-ce qu'on répond? On peut ou pas? On dit c'est mieux. On dit c'est mieux, surtout pour les femmes. On dit c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'en général, ici, quand la femme, déjà, on sait qu'entre elles, les femmes, Allah al-Musta'an, je ne vais pas faire de mal aux femmes, hein, je ne dis pas toutes, mais souvent, malheureusement, ici, les femmes, ici, ils ont tendance à bavarder, à parler, etc. Et si en plus ils voient rien du tout, ils voient qu'un mur. Imagine-toi quand tu es dans une salle ou tu es dans un endroit où tu vois pas l'imam. Est-ce que tu vas être concentré que comme si tu voyais l'imam? Tu seras jamais concentré comme quand tu vois l'imam. C'est pour ça ils disent même al-ulama, regardez le bienfait de voir l'imam. Quelquefois le prophète alayhi salatu wassalam, il était sur le mimbar, est-ce qu'il faisait des gestes? Par exemple, at-taqwa hauna. At-taqwa hauna. At-taqwa hauna. Le prophète il a dit 3 fois, donc hauna ou si tu lis que le hadith ou, mais ils ont expliqué, mais regardez eux, il a suffi pour les compagnons de voir que le prophète Hassan il disait dans le cœur. Donc vous avez vu que les ulama ils disent quelquefois l'imam peut faire des gestes, le savant peut faire des gestes pendant un cours ou expliquer une chose, par exemple tiens tu fais l'ourdou, il va expliquer l'ourdou, donc tes oreilles tu vas les nettoyer comme ça. Donc ici, est-ce que la personne qui voit pas aura autant d'informations que celui qui voit? Non. Donc voir la personne, le prêcheur ou le professeur, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Donc on dit, si tu peux faire une retransmission, et on conseille, moi je recommande aux gens dans les mosquées de faire une retransmission, ça pousse les femmes à être plus concentrées. Parce que juste le fait de voir des gestes, même si tu vois pas bien, mais à la kulli hal, voir quelqu'un qui parle, faire des gestes, voir, c'est pas pareil, ça te pousse à te concentrer mieux. Et plus tu es visible et tu es clair, et que les gens te voient, et mieux c'est, et ça pousse plus, et ça facilite plus à la concentration. À la kulli hal, ensuite le prophète alayhi salatu wassalam a fait une exhortation, et je termine avec cette exhortation qu'il leur a fait, et il a dit, il y a plusieurs versions qui sont rapportées, à la kulli hal, en réunissant ici une des paroles de Ibn Hisham, rahimahullah ta'ala, il dit au peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas, si après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Il dit donc, écoutez ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et apportez ce message à ceux qui ne peuvent pas être présents ici aujourd'hui. Comme ils disent les ulama, ici ça fait partie du bon comportement que quand la personne elle entend un cours et qu'elle peut transmettre à l'absent, qu'elle le fasse. Surtout les hommes quand ils ont des épouses à la maison. Il y a quelquefois les hommes quand ils rentrent par exemple de Khutbatul Jumu'ah, la femme elle n'a pas participé au Jumu'ah et elle n'a pas pu participer au Jumu'ah. Ici, nous recommandons fortement, ici, de suivre cette sunna. Quand tu entends, tu transmets. Surtout quand c'est frais dans ta tête. Un, ça va te pousser à quoi? À retenir mieux. Quand tu sais que tu as un examen, tu vas transmettre, ça va pousser à retenir mieux. Tu dis, ah, je vais rentrer, je serai obligé de répéter à ma femme. Donc ici, ça va te pousser à retenir mieux. Et en plus de cela, tu vas avoir la récompense auprès d'Allah. Tu as transmis, tu fais da'watu ilallah. Et en plus de cela, c'est des causes qui font que quoi? Ça met une bonne ambiance à la maison. On parle de religion, il y a une conversation, il y a un dialogue, etc. etc. Donc, nous disons ici, quand tu entends un prêche, essaie de le transmettre à ton épouse quand tu rentres chez toi. Un cours, essaie de rentrer chez toi. Ou alors, faites un petit examen entre toi et ta femme. Elle, elle te pose des questions si elle a entendu le prêche. Toi, tu as entendu le prêche, vous vous posez des questions. Khalas, ici, qu'est-ce qu'a dit le prophète concernant cette situation? Et le mari parle. Et le mari, juste derrière une petite question. Pour voir un peu les niveaux ici, entre eux, et s'entraider. وَهَذَا يَدْخُلْ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Ici, c'est conforme à la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et entraidez-vous aux œuvres de bien et de piété. Donc ici, tu t'entraides, il y a le mu'awana. Ici, ça crée le mahabba, etc. Donc entre toi et ton épouse. Des petites questions comme ça, ça va vous motiver à avancer. Ensuite, le prophète, il dit, ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. La vie et les biens de chaque musulman, c'est sacré. La vie d'un musulman, c'est sacré. Les biens d'un musulman, c'est sacré. C'était quel jour? Le jour de Arafah. Ici, le jour de Arafah est le jour le plus important pour le musulman dans toute l'année. Et c'était quel jour encore? Le jour de Arafah, le jour de Yom al-Jumu'ah. Ce jour-là, c'était quoi? Le jour du vendredi. Et le jour du vendredi, c'est le jour le plus important pour le croyant concernant la semaine. Dans l'année, le jour le plus important, c'est Yom Arafah. Et dans la semaine, c'est le jour du vendredi. Regardez ici. Le sermon d'adieu a été dit lors des derniers instants de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'il y a des milliers de croyants réunis, le jour le plus important de la semaine et le jour le plus important de l'année. Regardez, tout pour que ça soit l'exhortation vraiment, yani, forte et très riche en profit. Ensuite, il dit, retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Al-amana. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl. Ici, Allah Azza wa Jalla vous a ordonné de restituer les biens ou les dépôts à leurs ayants droit. On te confie quelque chose, quoi que ce soit. Al-amana, c'est quoi l'amana? Ta'atullah Azza wa Jalla. C'est ta'atullah. Comme قال ابن عباس وغيره من اهل العلم. Ici, les savants, ici, beaucoup d'exégètes de compagnons ont dit, c'est les actes d'obéissance. Et ici, le fait que on te confie de l'argent, et c'est une amana, mais ça rentre dans l'explication générale, c'est les actes d'obéissance à Allah Azza wa Jal. Donc ici, la prière, c'est une amana. As-siyam, amana. Donc tout ça, al-hajj, amana. Al-da'wa, amana. Tout ça rentre dans l'amana, comme قال العلماء. Donc ici, le fait qu'on te confie quelque chose, tu dois les restituer à ton frère. Et de la meilleure des façons. Et sinon, on te dit, ça fait partie des critères de l'munafiq, wa l'ayyadu billah. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, quand on lui confie un dépôt, il le trahit, wa l'ayyadu billah. Donc ici, le prophète, alayhi salam, il dit, attention, regardez les exhortations fortes, on vous confie quelque chose, restituez les dépôts à leurs ayants droit. C'est pas un jeu, on te confie quelque chose, tu fais ce que... C'est pas un jeu. Et ça, dans le fiqh, dans la jurisprudence, ça a des règles, il y a l'aria, il y a l'amana, il y a plusieurs choses, ala kulli. Donc ici, ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Khlas, ne sois pas la cause qu'on te fasse du mal. D'accord? Kama tadinu tudan, kama fa'alta yuf'alu bika. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Donc ici, ne provoque pas le mal qui va t'arriver. Ne faites pas de mal comme le prophète a dit alayhi salatu wassalam, ou alors ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement il vous demandera compte de vos actes. Allah vous a défendu de pratiquer al-riba. Allah vous a défendu de pratiquer al-riba, l'usure, de prendre l'intérêt. Donc toute obligation d'intérêt sera dorénavant abolie. Kama ja'a fi sahih. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضى أنه قال لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام آكل الربا ومؤكلا وكاتبي وشاهدي وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء prophète عليه الصلاة والسلام il a dit selon Jabir il a dit le prophète il a maudit donc il sort de la miséricorde d'Allah عز وجل. Ça c'est une preuve, ça fait partie de l'kabaïr. Celui qui quoi? Qui mange le riba, qui donne à manger le riba, les intérêts usuraires, d'accord? qui est témoin d'une transaction, qui est, qui écrit la transaction, il dit, hum sawa, ils sont tous pareils, au même pied d'égalité. Méfiez-vous de Shaitan pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous induire à commettre les grands péchés. Méfiez-vous donc à ne pas le suivre en ce qui concerne les petits péchés. Ô peuple, il est vrai que vous ayez certains droits à l'égard de vos femmes. Ah, il a parlé de Nisa, les femmes. Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam. Lors de son sermon d'adieu, il parle des femmes. Ça, c'est une réponse à ceux qui disent, la femme musulmane, allez. Nous disons, wallahi al-adim, si vos femmes savaient la valeur qu'a la femme musulmane dans l'islam, je pense qu'elle divorcera avec tous les non-musulmans tout de suite. Elle les aura abandonnés. Elle a dit, qu'est-ce que j'ai perdu mon temps avec eux? Ici, la femme musulmane a été honorée par Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim et par le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim. Regardez, ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes. Et il dit, mais elles aussi ont des droits sur vous. Si elles se soumettent à vous, alors à elles appartiennent le droit d'être nourries, habillées convenablement. Ensuite, il dit, traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires. Wa kama qala alayhi salatu wa salam, istawsu bin nisa'i khayra. C'est-à-dire, regardez, recommandez-vous mutuellement le bien pour vos femmes. Et le plus grand des biens que tu peux apporter à ta femme, c'est quoi? Ad-din, l'islam. C'est le plus grand des bienfaits que tu peux apporter à ta femme. Que tu sois la cause, qu'elle soit au paradis et qu'elle ne soit pas châtiée éternellement en enfer. Quel plus grand bienfait tu peux donner à une personne? Ici, la personne va te dire peut-être, oui, c'est que ici tu lui offres des cadeaux tous les jours, mais qu'à côté, même si tu lui donnes pas la religion, ce n'est pas grave. Ya ibadallah, kullu man alayha fan. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم الدنيا متاع. Mais regardez ce que le prophète ensuite il dit, وخير متاع المرأة الصالحة. Il dit, la meilleure des provisions, c'est quoi? La femme vertueuse. La vie d'ici bas n'est que jouissance temporaire, éphémère, mais la meilleure des jouissances, la meilleure des choses ici bas, c'est quoi? La femme. Regardez l'honneur à la femme. Le prophète dit, c'est la femme, mais pas n'importe quelle femme. La femme vertueuse. As-saliha. La femme qui est vertueuse, qui craint son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et il est de votre droit de vous assurer qu'elles choisissent leur ami avec votre approbation. Aussi bien que de ne jamais commettre l'adultère. Donc ici, c'est le haq de l'homme vertueux, pieux, qui choisisse les femmes pieuses, vertueuses, qui vont côtoyer sa femme. Ça, c'est parmi les droits que l'homme a. Et la femme ne peut faire entrer, comme le prophète alayhi sallam a dit dans le sahih, une personne dans sa maison sans l'autorisation de son mari. D'accord? Et elle doit ici côtoyer des femmes qu'avec l'approbation de son mari. Et son mari doit ici conseiller sa femme, et ses conseils doivent reposer sur quoi? Taqwa Allah, la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est pas sur les passions, tiens, celle-là je l'aime pas, celle-là je l'aime. Non, celle-là elle est pieuse, côtoie-la. Celle-là c'est une perverse, ne la côtoie pas, si ce n'est si tu peux lui faire da'watu ila Allah azza wa jal. Si tu peux lui faire da'watu ila Allah, il n'y a pas de problème. Si tu peux l'appeler Allah azza wa jal, etc., etc., il n'y a pas de problème. Sinon, wa illa, écarte-toi de cette personne. Comme a dit alayhi salatu wassalam fil hadith alladhi akhrajahu at-Tirmidhi wa sahaha al-hadith al-Albani, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiy. Donc le prophète Hassan a dit, ne prends comme ami que un croyant, et ne mange de ta nourriture, c'est-à-dire plus il est proche de toi qu'un pieux. Celui qui mange souvent chez toi doit être qu'un homme pieux. Et celui que tu côtoies doit être qu'un croyant. Donc ensuite le prophète dit, ô peuple, écoutez-moi bien, adorez Allah, faites vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre richesse en zakat. Accomplissez le hajj si vous en avez les moyens. Ala kulli hal, les savants ils ont divergé. En quelle année ça a été rendu obligatoire le hajj? Ikhtalafa al-ulama, walakin qawlu raj' min ahli al-ilm, c'était à l'an 9 de l'Hijr. À l'an 9 de l'Hijr. Certains ont dit 6, d'autres 7, d'autres 8, d'autres 9. Qawlu rajih, c'est l'an 9 de l'Hijr, wallahu a'lam. Et il l'a mentionné Ibn Qayyim dans Zadul Ma'ad. Ici, vous savez que chaque musulman est le frère d'un autre musulman. Vous êtes tous égaux. Ensuite, le prophète, il dit quoi? Aucune personne n'est supérieure à une autre, excepté en quoi? En piété et en bonne action. Kama qala jalla wa ala fi kitabihi al-aziz, inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles auprès d'Allah Azza wa Jalla, ce sont les plus pieux. Souvenez-vous, un jour, vous vous présenterez devant Allah et vous répondrez de vos actes, donc prenez garde et ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ou apôtre ne viendra après moi. et aucune nouvelle foi ne naîtra. Raisonnez-vous bien ou raisonnez bien donc au peuple et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi deux choses, le Coran et la Sunna. Al-Qur'an wa Sunnah. Et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Il a dit trois fois, Allah soit témoin, Allah soit témoin, Allah soit témoin que j'ai transmis. Et le prophète, il a dit, ai-je transmis? Ils ont dit, certes, tu as transmis. Et Allah, Azza wa Jalla, ce jour-là, il a révélé le verset coranique très connu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. C'était le jour de Arafat et c'était le jour du vendredi. Et ici, il y a un juif qui a dit Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu arda. Qu'est-ce qu'il a dit? Certes, si ce verset, ce verset-là, s'il serait descendu sur nous, révélé sur nous, on l'aurait pris ce jour comme jour de fête. C'était quel verset? C'était celui-là. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Et c'est la parole qu'a sorti l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, quand il a dit, celui qui prétend qu'il y a une bid'a hasana dans l'islam, faqad za'ama anna an-nabiy alayhi as-salatu was-salam khana ar-risala thumma dhakara hadhihi al-aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Il dit toute personne qui prétend qu'il y a une bonne, l'imam Malik rahimahullah ta'ala, imam dar al-hijra, celui qui beaucoup prennent comme référence, ils connaissent pas l'imam Malik. Il dit celui qui prétend qu'il y a une bonne innovation dans la religion, il a certes prétendu que le prophète il a trahi le message. Le prophète, il n'a pas tout dit. Ce que tu dis est une bonne innovation. Donc, le prophète, il a oublié de dire quelque chose. Ensuite, il rappelle le verset coranique. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion. Il n'y a plus rien après. Ça, elle est complète. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. Et ici, j'ai accompli sur vous mon bienfait, agréé l'islam comme religion pour vous. Il n'y a plus rien à rajouter. Ni bid'a hasana, ni je ne sais quoi. Comme a dit alayhi salatu wassalam. Toute innovation, كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Elle a dit toute innovation mène à l'égarement et tout égarement mène vers le feu. Ça, c'est les recommandations prophétiques. Et la dernière des recommandations, je vous ai laissé deux choses. Si vous vous accrocherez, vous vous égarerez jamais à ces deux choses. C'est quoi? Le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous on se doit de rajouter bi fahmi salaf al umma li'anna an-nabi alayhi salatu wassalam qala kama fi sahih muslim khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Car le prophète a dit les meilleurs des gens ce sont ceux de ma génération, ensuite ceux qui vont les suivre, c'est-à-dire at-tabi'in, et ensuite ceux qui vont les suivre encore atba'i tabi'in. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle as-salaf as-salih, les ancêtres pieux. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.